Chapitre 17e. Les trois affidés, Louis, Léo et Pino, avaient à préparer activement l'aménagement du wagon truqué. Le matelassier se fit prier, et Léo dut établir un ordre de réquisition pour le décider à fabriquer les quatre paillasses. Toutefois, on lui versa 100 francs d'acompte par paillasse, alors que le salaire d'un employé était d'un peu plus de 2 000 francs. Le solde serait payé à la livraison. Pino prépara les cadres démontables des châssis dans son atelier. À ceux qui pénétraient, il racontait qu'il était en train de fabriquer des cages à lapins pour améliorer l'ordinaire. Ceci n'avait rien d'extraordinaire alors que certains élevaient des poules dans leur cave, sur leur balcon ou pire, carrément dans le salon. Il fut difficile de convaincre Léo de la fiabilité des deux cheminots qui allaient les aider car, pour lui, il était évident qu'ils étaient les maillons faibles de l'affaire. Mis à part Léo qui se déplaçait en voiture, l'œil rivé sur les rétroviseurs, chacun de leurs allées et venues nécessitait des tonnes de précautions. Chaque fois qu'ils effectuaient un déplacement pouvant révéler leurs intentions, ils avaient mis au point une technique. Ils avaient équipé leur vélo d'un rétroviseur, ainsi, sans se retourner toutes les minutes, ils pouvaient inspecter ce qui se passait derrière leur dos. Dans les cas les plus risqués, ils se faisaient suivre par d'autres membres du réseau Némésis. Ceux-ci pouvaient de loin remarquer s'ils étaient filés ou non. Ces anges gardiens pouvaient voir ainsi les passants qui sortaient des portes comme par enchantement ou qui y réapparaissaient au bout d'un moment. Louis ne portait jamais d'autre chose que sa mallette. Quant à Pino, il avait toujours les mains dans ses poches, vides ou sur le guidon. Certes, c'était loin d'être infaillible, mais pour l'heure, ils avaient pu déjouer quelques pièges. En tout cas, leur pisteur devait certainement se douter de leur méfiance. Dans cette conjoncture, la Noël et le jour de l'an se passèrent comme des jours ordinaires. L'année 1943 commençait par un renforcement de la collaboration et de ses moyens avec la création de la milice et l'instauration du service du travail obligatoire qui pousserait les jeunes vers les maquis pour fuir cette aliénation. Mais des lueurs d'espoir commençaient à apparaître avec les succès alliés en Afrique du Nord et la débâcle de Russie pour les forces de l'Axe. Un matin, Louis rendit visite à Madame Kubler. Il la trouva en train de confectionner une omelette avec un seul œuf, auquel elle avait ajouté du saindoux et une grosse cuillerée de maïzena. Ça faisait du volume, mais n'avait rien à voir avec une véritable omelette. « Vous vous en sortez avec les deux oeuvres, là ?» demanda Louis, faisant allusion au beau champ. « Nous avons faim en permanence, mais j'espère que ça ne va pas durer parce que... »« Parce que, » poursuivit Louis, « vous allez tomber malade. » « Dites-moi la vérité, vieille coquine. C'est vous qui m'avez signalé au réseau Némésis ?»« J'avoue. » »« Il leur fallait quelqu'un de compétent et de transparent pour les services de police. »« Et puis, j'avais cru comprendre que vous étiez prêt à passer à l'action. »« Alors autant utiliser vos savoir-faire, vous ne pensez pas ?»« Et les deux jeunes ? C'est vous aussi qui me les avez envoyés ?»« Non, ça non. C'était une idée de Mademoiselle de Labarre, la pauvre. »« Elle est morte héroïquement. » J'espère qu'un jour son nom sera gravé sur une stèle de marbre. Dites-moi encore une chose. La dernière fois que vous êtes venu consulter, vous n'êtes pas ressorti tout de suite de l'immeuble. Où étiez-vous donc ? Madame Kubler baissa la tête comme une enfant prise en faute. J'étais chez votre ami le major. J'avais besoin de parler allemand, de revenir à mes racines. C'était comme si j'avais rajeuni. Je l'ai rencontré dans l'escalier et il a été charmant. Votre ami m'a parlé des recettes que faisait sa mère, de son père qu'il admirait, et qui, de là-haut, devait être bien déçu de le voir dans cette galère. Je lui ai un peu raconté ma jeunesse, l'Allemagne d'avant. Sans vouloir vous décevoir, docteur, je me suis aperçu que j'avais plus de points communs avec lui qu'avec vous. Mais je le comprends parfaitement, Madame Kubler, c'est bien normal. Vous vous souvenez de ce que je vous disais il y a quelque temps sur les officiers allemands ? Même à votre âge. Il ne faut pas parler sans savoir. Ah, je vous reconnais bien là. Toujours le dernier mot, hein ? Bon, j'ai besoin de parler aux tourtereaux. Où sont-ils ? Pas sortis, j'espère, car leur signalement a été donné. Ils sont en train de me ranger la cave. On cherche tout ce qui peut se monnayer pour s'acheter à manger, les bouteilles, les vieux tissus, les vieux cuirs, les vieux journaux. Vous savez, on nous demande de tout récupérer, de ne rien jeter. Louis descendit donc au sous-sol pour parler au couple. Parvenu dans le couloir obscur de la cave, il sentit soudain le froid du métal sur sa tempe. Une voix féminine lui murmura « Si tu bouges, ta tête explose comme une pastèque. Je suis le docteur Fogg. Baissez votre arme, espèce de dingue. Un faux mouvement vite arrivé. Surtout que jusqu'ici, on ne peut pas dire que vous ayez réussi grand-chose. » Il attrapa la main de la fille et lui baissa le bras. Mathilde Beauchamp, car Louis avait reconnu sa voix, ne protesta pas. « On se méfie tellement, » dit-elle pour s'excuser. « Où est votre mari ?»« Mais ce n'est pas mon mari, c'est mon frère. » René, entendant les voix, les rejoignit. « Écoutez-moi tous les deux. Vous allez vous préparer à partir. Il vous faudrait de nouveaux faux papiers, un peu d'argent. Pour les provisions, nous nous débrouillerons. Habillez-vous chaudement. Vous mettrez un pantalon, Mathilde. Prévoyez le minimum de bagages, juste une petite valise. Où allons-nous ? En principe, vous prendrez un train en direction de la frontière espagnole, Biarritz, Bayonne, ou peut-être encore plus près. Depuis que Moulin a unifié les réseaux, nous pouvons entrer en contact avec les camarades du Sud-Ouest. On pourra déterminer ce qui sera le mieux pour vous. Pour l'instant, je ne sais pas. Vous n'aurez des précisions qu'au dernier moment. C'est clair ? Oui. Excusez-moi encore, docteur. Vous avez des nouvelles du colonel Domissol ? Louis ne connaissait pas le surnom de Mademoiselle de Labarre. Mathilde lui révéla. Apparemment, Madame Kubler ne leur avait rien dit pour ne pas les choquer. Elle est morte bravement, sans avoir parlé. Les deux jeunes gens eurent aussitôt les larmes aux yeux. C'est de notre faute, dit René. J'ai agi comme une andouille. Mais non, au contraire. Et Mademoiselle de Labarre a fait ce qui s'imposait. Elle vous a sauvé la vie, ainsi qu'au Meyer. Si vous aviez été pris avec le poste dans votre chambre, la Gestapo vous aurait emmené avec les Meyer. À l'heure actuelle, il serait mort, et vous, vous ne voudriez guère mieux. Je crois que j'aurais parlé, avoua René. C'est ce qu'avait compris Mademoiselle de Labarre, et c'est pourquoi elle a préféré se livrer. Elle, sa vie était terminée, tandis que vous, vous avez encore un avenir, si toutefois la France est libérée. Il était dit que Louis passerait la matinée dans les caves. En effet, en revenant chez lui, il amena l'anglais au sous-sol. Une des caves possédait une forte porte métallique fermée à clé. Cette porte donnait dans les caves de l'immeuble voisin et avait été ouverte par son parrain en 1418. Le propriétaire d'à côté possédait aussi une clé et cette communication permettait aux occupants de l'un ou l'autre immeuble de fuir en cas de besoin. Louis laissa cette clé à l'anglais et lui expliqua qu'en cas de danger, il devait l'utiliser. Désormais, l'aviateur allait vivre dans cette cave pour sa survie. On lui apporterait à manger, et il ne manquerait de rien, mais il fallait surtout qu'il ne signale pas trop sa présence aux visiteurs éventuels. Faire disparaître les mégots, les restes de repas, faire attention aux odeurs. Pour ses besoins pressants, Louis lui donna un seau et un grand sac de sciure. Pour la toilette, il fallait qu'il attendît le milieu de la nuit et qu'il aille la faire dans l'appartement de feu, Mademoiselle de Labarre. « Quand, moi, partir ?» demanda-t-il. « Bientôt, bientôt. Et moi, allez où ?»« En Espagne, peut-être. En attendant, vous ne risquez rien. »« Keep cool, don't worry. »« Cigarette ?» demanda l'anglais. « Ah non, je n'en ai pas. »« Vous ne fumerez pas, ça vous fera du bien. »« Et faites un peu d'exercice physique, vous en aurez besoin. » En quelques mois, Jean Carme était passé d'un logement exigu dans le quartier des Halles à un appartement bureau spacieux rue de Rivoli, non loin de l'hôtel Meurice, siège de l'administration du Gros Paris allemand. Ainsi, il était plus près de ses commanditaires et pouvait mieux exercer sa collaboration. Louis avait passé un coup de fil pour demander un rendez-vous. Il avait dit se nommer Pierre-Hugues de Foncombe, pensant que ce nom, emprunté à Tolkien, ne devait pas être connu de quiconque dans l'entourage de Carme. Les sonorités nobles de ce nom allaient bien avec l'image qu'il voulait donner de lui-même. Un riche et noble héritier, aujourd'hui ruiné, qui brade des tableaux de famille à prix plus qu'intéressant. Il avait complété sa panoplie de lunettes à grosse monture d'écaille, d'un chapeau noir à large bord, d'une grande cape et d'une lavalière, à faire emprunter à celle de son défunt parrain. Jean Carme acceptait de le recevoir à 15h30, entre deux rendez-vous. Louis s'y rendit en métro, seul moyen de locomotion encore disponible dans Paris, et où régnait l'affluence à toute heure du jour. La secrétaire de Carme, belle plante qui ne devait pas ménager ses faveurs, l'accueillit avec dans l'œil un éclat moqueur à la vue de sa dégaine. Dans la poche de sa veste, sous sa cape, Louis serrait sa seringue, qu'il avait pris soin d'encapuchonner d'un tube d'aspirine vide. L'appartement sentait le parfum, le tabac, avec un zeste d'aigre dû au manque d'aération. Jean Carme ne se leva pas, mais désigna simplement un siège à son visiteur. Il était tel que Louis l'avait imaginé, trapu, les cheveux drus en brosse, le front bas, les sourcils fournis, la peau grasse, la bedaine agressive, archétype parfait de la bête têtue et vicelarde. En deux mots, Louis lui expliqua le but de sa visite et lui présenta les clichés donnés par Pinault. « Vous voyez, il s'agit de deux Monet et d'un Renoir. Ce sont des tableaux assez grands et recherchés. Je serai prêt à vous céder le tout pour 100 000 francs. » Carme ne répondit pas, resta impassible et scruta les photos. « Besoin d'argent ? » finit-il par dire. « Certes, » répondit Louis, laconique. « Alors je vous en donne 60 000 francs, dernier cara. » Louis baissa la tête comme sous l'effet d'une offense. Pendant qu'il semblait réfléchir, la secrétaire entra poser des papiers sur le bureau de Carme. Celui-ci en profita pour lui mignoter l'arrière-train. Louis attendit qu'elle ressorte. « Vous avez un plan de Paris ? » demanda-t-il. « Non, » répondit Carme, comprenant que son interlocuteur venait de capituler. Louis sortit alors un plan qu'il déplia. « Vous permettez ? » demanda-t-il. Il vint se placer à côté de Carme et étala le plan devant lui. Puis il se pencha sur le bureau. « Je vais vous montrer où se trouvent les tableaux. Voilà, c'est là, en banlieue. » Carme se pencha sur le plan. Il poussa alors un « Aïe !» Quelque chose venait de lui piquer la tête. Louis dit rapidement « Excusez, c'est la plume de mon stylo. » Mais l'autre venait déjà de s'affaisser sur son bureau, conscient mais paralysé. Pourtant, son cerveau encore oxygéné devait fonctionner. Louis se pencha près de son oreille. « Alors, pourriture, tu vas crever. Pense à tous ceux qui sont morts, tous ceux qui ont souffert à cause de toi. J'aurais voulu que ça dure plus longtemps, mais tu vas t'asphyxier, mon gros. Qu'est-ce que tu vas faire de tout ton pognon maintenant, hein? Allez, un salaud de moins. » Les paupières de l'homme se relâchèrent. On aurait dit qu'il dormait tranquillement comme un bon nounours. Notre faux noble plia son plan, rangea les photos et s'assura de l'absence de pouls de l'homme d'affaires. « Ça y est, » se dit-il. Louis sortit du bureau en refermant tout de suite la porte sans bruit. En passant devant la corde secrétaire, il dit sur le ton de la confidence « Je file car j'ai un train à prendre. Votre patron a demandé à ce qu'on ne le dérange pas. Il veut se reposer. Mais il m'a paru un peu bizarre. À votre place, j'appellerai un médecin. À bientôt. » Et Louis prit la direction de la station de métro à grands pas, le chapeau sur les yeux, cape noire au vent, comme une sorcière revenant du sabbat. La rue de Rivoli, interdite à la circulation, donnait encore plus de majesté aux façades à arcades, leur conférant une splendeur romaine. Dans le métro, malgré son accoutrement, personne ne fit attention à Louis. À l'arrivée, place Monge, il pénétra dans une entrée d'immeuble et se débarrassa rapidement de son chapeau, de ses lunettes et de sa cape qu'il fourra dans un sac. Quelques minutes plus tard, rue de Rivoli, la secrétaire pénétra dans le bureau. Elle resta d'abord à quelque distance de son patron, considérant la scène. Puis elle s'approcha et colla son oreille à la bouche de Carme. Elle le secoua sans résultat. Un sourire se dessina alors sur ses lèvres. Elle serra les poings en signe de victoire et ouvrit un tiroir duquel elle sortit les liasses de billets qu'elle savait y trouver. Elle réussit à fouiller les poches du mort qu'elle délesta de son argent. Elle mit tout cela à l'abri dans sa culotte et son soutien-gorge. Puis elle décrocha le téléphone et, d'une voix affolée, appela la police. « Mon patron vient d'avoir une attaque. Venez vite !» Il y a comme cela des jours fastes. Le médecin arrivé sur les lieux avec police secours conclut, en aparté, à un malaise fatal, consécutif peut-être à une partie de jambes en l'air, qu'avait dû prendre les négociants avec sa secrétaire. Dans l'enquête rapide, la police nota tout de même que la mort avait été précédée par la visite d'un personnage baroque, sorti d'un autre âge. Mais n'était-ce pas une invention de la secrétaire, qui voulait faire oublier quelle était la cause de la crise de son patron? En tout cas, Carme fut immédiatement remplacé par un officier de la Gestapo qui continua son œuvre lucrative ainsi que sa sollicitude auprès de la courte secrétaire dont le magot ne cessa d'augmenter. En arrivant chez lui, Louis fit un détour par la cave et se mit à siffler le « God save the Queen », signal de reconnaissance pour l'anglais. Il se débarrassa de son déguisement qu'il fourra dans une malle et remonta au premier. Dans l'escalier, il croisa ce qu'il prit pour deux chasseurs alpins en tenue d'hiver, accompagnés d'un policier en civil. « Bonjour, messieurs, » leur dit-il poliment. « Vous venez voir le major Müller ? C'est la porte en face. Vous êtes chasseur alpin ? Vous vous foutez de nous ?» rétorqua le plus âgé d'un ton rogue. « Mais non, pas du tout. Je ne vois pas en quoi je vous ai insulté. Nous sommes de la milice. La milice. » L'étonnement de Louis avait l'air sincère et l'homme daigna lui donner une explication. « Vous connaissez le SOL ? Oui, c'est le service d'ordre légionnaire. Eh bien maintenant, c'est la milice. L'uniforme a changé et nous pouvons effectuer les tâches de police. Nous n'avons de compte à rendre à personne, désormais, vu... » « Oui, oui, » répondit timidement Louis. « J'ai compris maintenant. J'avais lu ça dans le journal. Qu'est-ce qui vous amène ?»« Nous allons d'abord commencer par inspecter le logement du pendu. Après, nous verrons. » Mais la Gestapo l'a déjà fouillé, et la police aussi. Je ne vois pas ce que vous allez y trouver de plus. Vous cherchez vraiment les ennuis, vous? Bon, allons-y, on n'a pas de temps à perdre. Louis prit la clé et monta dardard l'escalier, les sbires sur ses talons. Voilà, dit-il en ouvrant la porte. Bon, laissez-nous maintenant. Si on a besoin de vous, on vous appellera. Louis, la rate au courbouillon, redescendit chez lui et mit Odette au courant. Il y a deux types de la milice qui viennent de débarquer. Je les ai pris pour des chasseurs alpins. Tu connaissais leurs uniformes, toi? Ça vient juste d'être créé. Elle est formée de tout le ramassis des collabos de la Légion. Je crois que ça va être encore pire que la Gestapo. Ils sont chez Carnan. Mauvaise limonade, lui. Tu devrais prévenir les meilleurs qu'ils se préparent au pire. Et l'anglais, tout est clair avec lui? Ça devrait aller. Nom de Dieu, mais quand est-ce qu'ils nous foutront la paix? Je suis bien contente de ce que j'ai fait aujourd'hui, moi. Tiens, on peut savoir. Louis se passa le pouce sur la gorge et dit « Un salaud de trafiquant qui vendait les filles et rançonnait les juifs. Hop, la patresse !» Odette ne releva pas et partit en baissant la tête. Au moment de franchir la porte, elle demanda « Il y en a eu d'autres avant ?»« Oui, un. Pareil, un espion pourri qui jouait double jeu. » « Eh ben, si ça continue, tu vas devenir un spécialiste de premier ordre, mon chéri. »« Quelle misère, mon Dieu !» Louis descendit rapidement au sous-sol pour faire passer l'anglais dans la cave voisine jusqu'à nouvel ordre. Puis il remonta au deuxième et fit un rapide briefing avec les Meyer, angoissé et sentant la force de se battre les quitter peu à peu. Pendant ce temps, les miliciens s'étaient mis au travail dans l'appartement de feu Kernan à la recherche d'il ne savait quoi. Le plus âgé des deux, un dénommé Béraud, fit main basse sur une montre, tandis que l'autre s'appropria une chevalière qu'il passa à son doigt. Puis ils ouvrirent une valise et y fourrèrent tout ce qui pouvait avoir de la valeur au marché noir. Costumes encore en état, souliers, nécessaires de toilette, menus objets. Voyant le tour pris par la fouille, le policier civil prétexta un rendez-vous et s'esbigna, préférant ne rien savoir des exactions qui allaient être commises. Désormais sans témoin, les deux malfrats, car c'est bien ainsi qu'il fallait les appeler, s'acharnèrent sur le mobilier. Le matelas fut éventré, les portes de l'armoire dégondées, le miroir brisé ainsi que la table et les chaises. Puis c'est l'appartement lui-même qu'ils endommagèrent, arrachant les tapisseries et les fils électriques, décelant le lavabo. Louis remontait pour voir où ils en étaient, faillit attraper une attaque. Le vandalisme volontaire était évident. Était-ce par représailles, par vengeance? Mais de quoi? De qui? Foutez le camp, vous! On vous a pas sonné! Rugit Béraud. Louis ne dit rien, mais il ressentit une telle montée de haine qu'il faillit en vomir. Un besoin irrépressible de tuer le submergea. Son cerveau ne fonctionnait plus. Il était devenu une bête en rage, assoiffée de sang. Il redescendit chez lui, plus vibrant que tremblant, et aperçut Pinot qui venait d'arriver. Avec une élocution hachée, il lui raconta ce qui se passait au troisième. « Quoi qu'il advienne, il ne faut pas qu'il ressorte vivant d'ici, tu m'entends ? » dit-il entre ses dents. « Tu veux que... » « Oui, c'est sans appel, maintenant. »« Pas de sang !» conseilla Pinot. « Ça laisse des traces. Tiens, prends ça. » Il mit une grosse clé à molette dans la main de Louis et frappa la nuque, ou au bas des reins, mais pas au visage. » Ils ressortirent sur le palier, alors que les deux hommes redescendaient, le jeune, la valise à la main, l'autre chargé d'un sac bien rempli. « C'est qui, lui ?» s'enquit Béraud en désignant Pinot. « Le plombier, » répondit laconiquement Louis. « Ah ben, il tombe bien, celui-là, il va avoir du boulot. » Là-dessus, les deux miliciens partirent d'un grand éclat de rire. « Bon, c'est pas tout, ça. L'appartement de Jeanne de la Barre, c'est où ?»« Au deuxième, venez. » leur dit Louis, se contenant grand-peine et serrant si fort sa clé à molette que ses jointures en étaient blanches. Dès son entrée dans l'appartement, le jeune milicien, laissant traîner son bras, renversa un petit guéridon qui se trouvait dans le hall. L'autre envoya un coup de pied dans le meuble pour dégager le passage. Le ton était donné. Leurs intentions ne faisaient aucun doute. Louis et Pinot suivirent les deux miliciens de l'appartement après en avoir fermé la porte. « Allez, dehors, vous deux, on n'a pas besoin de vous, » ordonna Béraud. Sans prévenir, Pinot lui décocha un brutal coup de poing dans la paume d'Adam. L'homme s'effondra sur les genoux avec un roc borborigme. Avant de répliquer, l'autre eut le réflexe de lui porter secours et se pencha en avant. Louis lui asséna entre les deux épaules un furieux coup de clé à molette qui étendit l'homme près de son camarade. Pinot et Louis échangèrent un long regard. Les circonstances les avaient conduits à se comporter en gangsters, se mettant ainsi sur le même pied que les deux pourris qu'ils venaient de liquider. « C'est ça la guerre, tu vois, » dit Pinot à voix basse. « C'est pas joli, joli. Mais ils n'ont eu que ce qu'ils méritaient. Allez, on ne va pas se lamenter sur leur sort. Tu devrais peut-être terminer le boulot, » ajouta-t-il en simulant une injection avec les trois doigts de la main, au cas où ils auraient la vie dure. La scène n'avait duré guère plus d'une minute. Il fallait se dépêcher pour effacer toute trace de ce drame. Ils décidèrent de porter les corps dans la cave. Ne voulant mêler personne d'autre à cette affaire, on ne pouvait demander à quelqu'un de faire le guet. C'est donc la gorge serrée d'angoisse qu'ils transportèrent les deux hommes, craignant à chaque voyage d'être découverts. La chance fut avec eux. Ils se firent ouvrir la porte métallique du passage par l'anglais, après avoir entonné le « God save the Queen », et les deux corps furent provisoirement déposés dans la cave voisine. « Caput ?» fit l'aviateur. « Shut up !» répondit Louis. « Il ne manquerait plus qu'il y ait une alerte, » plaisanta Pinot. « Qu'est-ce qu'on va en faire ?» interrogea Louis. « Ah, c'est maintenant que monsieur se pose la question. Je crois bien que nous allons avoir besoin de Léo et de sa voiture. En parlant de voiture, comment sont-ils venus ?» Louis remonta. La nuit était déjà tombée, dense et poisseuse. Il allait sortir dans la rue quand Marcel, attiré par le bruit de pas, l'éclaira du faisceau de sa lampe. « Éteins, malheureux !» ordonna Louis. « Ils sont encore en haut ?» demanda Marcel. « Oui. En fait, non. Ils sont dans la cave. » Louis avait une confiance absolue dans son concierge, qui comprit au quart de tour. « Alors vous les avez... » Marcel ne continua pas et Louis se tut. Le pacte du secret était scellé. Les yeux habitués à l'obscurité, le docteur jeta un coup d'œil dans la rue. Il reconnut la forme d'une traction avant stationnée devant l'entrée. « C'est leur bagnole, » précisa Marcel. À tâtons, Louis découvrit la poignée de la portière non verrouillée. Ayant la même voiture, il n'eut aucun mal à repérer l'emplacement du contact dont la clé était absente. « Merde !» murmura-t-il. Il retourna auprès de Marcel, resté dans l'entrée. « Maintenant, tu vas m'éclairer. Il va falloir trouver la clé de contact. » Ils descendirent tous deux dans la cave où attendait Pinot en compagnie de l'anglais. « Il faut repasser à côté, » dit Louis. « L'un d'eux doit avoir la clé de la voiture dans ses poches. Viens, aide-moi. » Ils retournèrent les corps et les fouillèrent. « Tiens, » dit Pinot, « c'est Béraud qui l'avait. » Le nom fit réagir Marcel. « Béraud, Béraud. Attendez, ce ne serait pas le fils des concierges du 5 ?» Soudain, la lumière se fit dans le cerveau de Louis. Il comprenait maintenant l'acharnement des miliciens et l'expliqua aux autres. Le fils des Béraud avait été poursuivi et condamné pour coups et blessures. Or, à l'heure de l'agression, Louis était en consultation chez les Béraud. Ceux-ci lui avaient demandé de témoigner que leur fils était présent lors de sa visite, ce que le médecin avait catégoriquement refusé. Tout s'expliquait maintenant, y compris le fait que le milicien était bien une canaille. Pinot décida de les dépouiller de leur vareuse et de leur béret. « Ça va nous servir, je vais t'expliquer, Louis. »« D'accord. Mais en attendant, je vais rentrer la traction. Marcel, mets-toi dans le fond de la cour et éclaire le mur avec ta lampe, mais pas l'entrée, vu ?»« Tiens, mets ça sur la tête, dit Pinot en tendant à Louis la tarte d'un des deux miliciens. Dans l'obscurité, ça peut donner le change. Louis réussit à faire démarrer l'attraction. Tout feu éteint, il la gara dans la cour, sans avoir remarqué quiconque dans la rue. Les fenêtres des autres immeubles étaient noires, conformément à la défense passive. Mais des regards curieux pouvaient toujours épier la rue derrière les volets. Marcel referma le portail de la cour. Pinot put alors exposer son plan. Il chargera les corps dans la Mercedes de Léo. Eux suivraient derrière dans la traction, déguisés en miliciens. S'ils rencontraient un barrage, Léo n'aurait qu'à dire qu'ils allaient procéder à une arrestation de terroristes. Pour se débarrasser des corps, Pinot connaissait un endroit en bord de Seine où un plan incliné était pratiqué pour mettre des bateaux à l'eau. Il serait facile d'y faire descendre doucement l'attraction avec à bord les deux miliciens, solidement attachés au siège. Il passerait de l'eau sous le pont, c'était le cas de le dire, avant que le véhicule ne fût découvert. « C'est un bon plan, » approuva Louis. « Le tout, c'est que Léo accepte. »« Je compris, » dit l'anglais. « Good, good. » Il était 19h quand Hans corna à la porte cochère. Marcel alla ouvrir et lui demanda de garer la voiture, l'arrière vers l'entrée de l'escalier. Léo fit signe à Hans d'exécuter la manœuvre. Sans désemparer, les corps furent chargés dans la Mercedes, la malle arrière fermée à clé. Commence alors une longue attente, dans la crainte de voir débarquer une autre équipe de la police ou de la milice. Les compères n'osaient pas s'éloigner des véhicules et de l'escalier. Vers 20h, le policier en civil qui accompagnait les miliciens revint et demanda où ils étaient passés. « Je n'en sais fiche trop rien, » répondit Louis. « Par contre, ce que je sais, c'est qu'ils ont emporté tout un tas d'objets et qu'ils ont saccagé deux appartements. Vous appelez ça des tâches de police, vous ? Moi, j'appelle ça du vol et du vandalisme. Dès demain, je porte plainte. Je ne vous le conseille pas. Votre plainte restera malheureusement sans suite et vous serez marqué à l'encre rouge. À partir du moment où c'est le gouvernement lui-même qui leur donne toutes les autorisations, nous n'avons plus qu'à nous taire, et vous aussi. Nous vivons une drôle d'époque. Bien le bonsoir, messieurs. Major, fit-il à l'adresse de Léo en saluant du chapeau. Heureusement que l'attraction des miliciens n'était pas visible dans l'obscurité. Vers 11h du soir, ils décidèrent que le moment était venu. Moins de barrages, moins de patrouilles. Et la chance les favorisa. Une alerte retentit juste au moment où leur voiture démarrait. Pas question d'aller se mettre à l'abri, mais au contraire, de profiter de l'affolement qui allait vider les rues, y compris des Allemands eux-mêmes. Tout se passa comme Pinot l'avait prévu. Ils n'eurent aucun mal à repérer l'endroit, même dans le noir. Les rares reflets de l'eau les y aidèrent. Ils ôtèrent des morts tous les indices pouvant aider à les identifier. L'attraction dont ils avaient enlevé les plaques d'immatriculation s'enfonça doucement dans l'eau avec quelques gargouillis. Au retour, ils rencontrèrent un barrage. Léo prétendit qu'ils amenaient des résistants qu'ils venaient d'arrêter. Louis et Pinot, attachés sur la banquette arrière, proférèrent quelques insultes en français à l'adresse des soldats qui les dévisageaient à la lueur de leurs torches. Au loin, deux immeubles en flammes illuminaient le ciel, accentuant le côté apocalyptique de cette nuit-là. Ils avaient conscience qu'ils venaient de franchir un pas de plus, en entrant cette fois dans la guerre civile. Le seul qui trouvait tout cela très bien, c'était Hans, peut-être parce qu'il était plus jeune que les autres. Quand la Mercedes pénétra dans la cour, dans l'immeuble d'en face, la personne qui avait passé sa soirée, le regard rivé entre deux lames de persiennes, alluma une cigarette. Il était grand temps de prendre un repos bien mérité après cette moisson d'informations. L'occupant habituel de l'appartement fut détaché, son bâillon enlevé, et il dut réitérer sa promesse formelle d'avoir à se taire.